Chapitre 4 La séparation. Ophélie serra l'écharpe contre elle pendant qu'elle contemplait la porte qui lui faisait face. À peine Archibald l'avait-il close sur un dernier clin d'œil que le scintillement lumineux s'était éteint à travers tous les interstices. Ophélie tourna le bouton de la poignée et poussa prudemment le battant. Plongée dans le noir, un cagibi avait remplacé la grande rotonde de la Rose des Vents. Le passage était fermé, et bien fermé. « Je suis seule », réalisa soudain Ophélie en écarquillant les yeux sur le réduit obscur. Seule, en territoire inconnu, à des milliers de kilomètres de chez elle, avec pour unique repère une carte postale vieille de 60 ans. Elle avait rêvé de ce moment depuis 2 années, et, à présent qu'elle y était, cette pensée lui donnait le vertige. Ophélie referma le cagibi d'un geste déterminé. Elle avait peur, oui, mais elle ne regrettait rien. Elle examina l'endroit où la Rose des Vents l'avait déposée. Une lumière pâle traversait le verre brouillé d'une porte d'entrée, dessinant des contours de pelles, de râteaux, de bêches et de peaux. Un abri de jardin, vraisemblablement. Ophélie ignorait à qui il appartenait, mais mieux valait ne pas tomber sur son propriétaire, même sur son arche, Anima, où l'on partageait tout. Il n'était pas bien vu de débarquer chez les autres sans s'annoncer. Se faufilant par la porte d'entrée le plus discrètement possible, elle s'immobilisa aussitôt sur le seuil. Il n'y avait rien dehors, rien que du blanc. Un improbable et implacable condensé de blanc. C'était comme si une énorme gomme avait fait disparaître le monde extérieur pour ne plus laisser voir qu'une feuille de papier vierge. Ophélie tourna le regard dans toutes les directions, de plus en plus inquiète. L'abri n'était attenant à aucun bâtiment, planté au milieu du néant comme une maisonnette abandonnée. L'air était tellement chaud et humide qu'Ophélie étouffait sous son manteau et ses lunettes s'embuaient déjà. Et si Gaël et Renard s'étaient trompés dans leurs calculs, et si Archibald, trop confiant en son nouveau pouvoir, avait manqué son coup. « Où m'avez-vous amené ?» murmura Ophélie. Les jardins botaniques de Pollux. Ophélie se retourna en sursaut, la voix, une voix désincarnée qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait entendu jusque-là, s'était élevée derrière elle, à l'intérieur même de l'abri. Excusez-moi, bredouilla Ophélie en cherchant son interlocuteur des yeux. Je me suis égarée, Il est recommandé aux visiteurs de venir au jardin en période de marée basse, interrompit la voix. Après la pluie, le beau temps. Ophélie finit par trouver d'où elle venait. Un mannequin articulé se tenait debout contre un mur si raide, si mince et si immobile qu'il se fondait parmi les silhouettes des pelles et des râteaux. La voix venait plus exactement de son ventre, ajouré de petits trous. Sa tête n'avait ni bouche, ni nez, ni yeux. Il ne portait pour tout vêtement qu'une casquette semblable à celle d'un chef de gare avec les mots « visite guidée » brodée dessus. Elle n'avait rencontré qu'une seule fois un automate semblable à celui-ci, le majordome mécanique de Lazarus, le célèbre explorateur. « La marée basse » releva-t-elle. Le mannequin ne répondit pas. Ophélie eut un nouveau regard pour la blancheur au dehors et comprit que ce qu'elle voyait était un brouillard d'une formidable densité. Elle se sentit soulagée. Si elle se trouvait dans les jardins botaniques de Pollux, alors elle était au bon endroit. Pollux et Hélène étaient les esprits de famille jumeaux qui gouvernaient Babel. « Quand est-ce que ce sera la marée basse ? » demanda-t-elle en reformulant sa question. « Les jardins botaniques de Pollux sont ouverts tous les jours de l'été, du lever au coucher du soleil, » répondit le mannequin, toujours garde-à-vous contre son mur. « Tout vient à point, à qui sait attendre ?» C'était encore l'été sur Babel. Ophélie songea qu'elle aurait dû étudier davantage ses manuels de géographie. Elle sortit la carte postale que lui avait offerte son grand-oncle et la présenta au mannequin sans trop savoir comment s'y prendre, puisqu'il ne possédait rien qui ressemblât à des yeux. « Oublions la marée. Je dois me rendre à l'endroit où s'est tenue la 22e exposition interfamiliale. La photographie date un peu, mais je pense que le bâtiment existe encore. Pourriez-vous m'indiquer où je... Les jardins botaniques de Pollux ?» répliqua aussitôt le mannequin. Ophélie s'assit sur un pot en pierre. Ce guide mécanique lui rappelait le majordome de Lazarus qu'elle avait rencontré par le passé. Il ne réagissait qu'à des instructions basiques. Elle allait devoir attendre la levée du brouillard. Elle aurait au moins aimé connaître l'heure. Elle avait quitté Anima en fin d'après-midi, mais il devait y avoir un décalage horaire avec Babel. La touffeur ambiante commençait à lui donner soif. Ophélie croisa le regard de son reflet dans une vitre cassée qui était posée à même le mur. Elle considéra un instant ses lunettes colorées, sa longue tresse noueuse, son écharpe remuante, et l'évidence la frappa. « Je me ressemble beaucoup trop. » Ophélie avait eu du mal à convaincre la tante Roselyne de ne pas l'accompagner, lui expliquant encore et encore qu'elles auraient trop attiré l'attention à deux. Mais si quelqu'un la reconnaissait malgré tout. Elle se mit à ronger les coutures de ses gants de liseuse. D'un point de vue théorique, il était peu probable que Dieu eût devancé sa venue sur Babel. Elle avait remonté cette piste-là à partir de tout petits indices. Les mimosas dorés, le soldat sans tête et l'ancienne école. C'étaient ces trois visions provoquées par la lecture du livre de Farouk qui l'avaient guidée jusqu'ici. Trois visions dont Ophélie n'avait parlé qu'à Thorne. D'après son travail de documentation et sauf erreur de sa part, c'était sur Babel que toute l'histoire avait commencé. La grande histoire, celle des esprits de famille, des livres, de Dieu et de la déchirure. Peut-être Ophélie aurait-elle pu percer ces mystères-là en suivant Archibald dans sa quête, mais elle n'aurait eu aucune chance de trouver Thorne sur Arcanterre, non. S'il était arrivé aux mêmes déductions que les siennes et qu'il avait réussi à quitter le pôle, deux choses dont Ophélie l'estimait parfaitement capable, il s'était forcément rendu à Babel. Elle cessa brusquement de grignoter ses gants, se rappelant soudain qu'elle n'en avait plus qu'une seule paire. « Il n'empêche que je me ressemble trop », répéta-t-elle en secouant ses lunettes pour dissiper leur coloration. À présent que les doyennes l'avaient laissé s'échapper, Dieu en serait vite informé. S'il avait implanté des tuteurs sur Babel, ce qui était plus que certain, ils allaient sans doute recevoir un avis de recherche avec un signalement précis. Ophélie allait devoir jouer serré pour passer inaperçue. Elle ne pouvait cesser d'être myope ni petite, mais pour le reste. Elle fouilla le local et trouva sans mal des cisailles pour la taille des haies. D'un geste décidé, elle coupa maladroitement sa tresse qui retomba sur le sol avec la lourdeur d'une botte de foin. Ophélie observa le résultat dans la vitre cassée et eut l'impression de se retrouver avec une colonie de points d'interrogation dressés sur la tête. Ses cheveux, délivrés de leur poids, s'étaient mis à boucler dans tous les sens. Elle les avait laissés pousser depuis l'enfance, mais curieusement, lorsqu'elle jeta cette partie d'elle-même dans un sac de mauvaises herbes, elle ne ressentit rien de particulier, rien, hormis une soudaine impression de légèreté. À croire que ce n'était pas ses cheveux qu'elle venait de couper, mais le cordon qui l'enchaînait à son ancienne vie. Elle dissimula ensuite son manteau sous une pile de tabliers. Si c'était bien l'été sur Babel, elle n'en aurait pas besoin. Alors qu'Ophélie dénouait son écharpe, celle-ci lui opposa une furieuse résistance. « Tu es trop reconnaissable, ne sois pas bête. Je ne t'abandonne pas ici, tu resteras avec moi, dans le sac. » Ophélie fit sauter les attaches de la besace que Renard lui avait donnée. Elle contenait des biscuits secs, un siphon d'eau gazeuse et plusieurs affaires glissées par la tante Roselyne. En fourrant l'écharpe dans le sac, la jeune fille fit tomber les faux documents d'identité qu'Archibald avait fabriqués pour elle à la Rose des Vents. Il y avait là-bas de quoi falsifier vraiment n'importe quoi. « Je m'appelle Eulalie, » récita Ophélie en examinant ses papiers. « Je suis animiste au 8e degré et je n'ai jamais mis les pieds sur mon arche d'origine. » Ce serait crédible tant qu'elle éviterait d'entrer dans les détails. Elle tenait de son grand-oncle qu'elle avait quelques cousins éloignés disséminés sur d'autres arches. Elle eut aussitôt une pensée coupable pour les membres de sa famille. Elle les avait tous quittés sans un mot d'explication. Elle espérait quand même qu'ils n'étaient pas trop en train de s'inquiéter. « Je m'appelle Eulalie. » répéta pensivement Ophélie. Pourquoi Eulalie? Quand Archibald lui avait demandé de se choisir un nouveau nom, c'était celui-là qui lui était spontanément venu à la bouche. Plus elle y réfléchissait, plus elle jugeait son choix mal avisé. La sonorité de ce nom était beaucoup trop proche du sien. Ophélie se chercha une position plus confortable entre deux sacs de graines et Thorne, songea-t-elle en fermant les paupières. Avait-il réussi à se recréer une identité après son évasion? Vivait-il au moins dans des conditions décentes? Mangeait-il à sa faim, lui qui avait si peu d'appétit? Elle tressaillit quand un éclat de lumière la frappa en plein visage. Elle s'était assoupie sans même s'en apercevoir. S'abritant les yeux, elle vit dans l'entrebâillement de ses doigts le guide mécanique sortir de l'abri. Le soleil se déversait en trombe par la porte. Ophélie attrapa sa besace et s'avança dans la lumière. À peine posa-t-elle un pied dehors que la chaleur lui coupa le souffle. En redescendant, le brouillard avait levé le voile sur une jungle de couleurs, un mélange inextricable de verdures et de fontaines, d'humus et de fruits, d'oiseaux et d'insectes. Si la beauté sauvage des jardins botaniques était spectaculaire, Ophélie n'en profita pas longtemps. Assaillie d'odeurs inhabituelles, elle fut secouée par une crise d'éternuement qui se prolongea tandis qu'elle suivait le guide mécanique au milieu des fougères. Même sans manteau, elle suffoquait. L'air moite lui collait à la peau et trempait sa robe de transpiration. Elle était loin, la grisaille hivernale d'Anima. Ophélie aperçut, à travers les hautes herbes, d'étranges silhouettes de marsupiaux qu'elle n'avait jamais vues ailleurs que dans des livres. Les cris des singes dans les feuillages ne ressemblaient à rien de ce qu'elle connaissait. « Où se trouve la sortie ? » demanda-t-elle au guide mécanique. « La visite des jardins botaniques de Pollux commence à l'arboretum. » répondit-il en marchant droit devant lui. « Restez groupés, s'il vous plaît. » Ophélie décida de lui fausser compagnie. Pendant qu'elle cherchait son chemin, elle croisa d'autres mannequins qui débroussaillaient des haies et frottaient la mousse sur les dalles des allées, ne s'arrêtant que pour huiler leurs articulations. Chaque fois qu'elle les interrogeait, ils lui répondaient « Qui veut aller loin ménage sa monture ?» ou encore « Tous les chemins mènent à Babel !» ce qui ne l'aidait pas tellement. Il devait bien y avoir des babéliens qui n'étaient pas des automates, non ? Ophélie monta des escaliers en pierre d'où s'écoulaient des flots de bougainvilliers. Plus elle prenait de la hauteur, plus elle mesurait l'ampleur du parc. Il se déclinait en plusieurs étages et chacun d'eux était une véritable symphonie de plantes, d'arbres, de fleurs et de fruits. Dans les étages inférieurs, des lambeaux de brouillard s'accrochaient encore aux palmiers. Il lui paraissait incroyable de penser que la veille encore, elle traînait en chemise de nuit dans sa chambre. Elle avait passé tellement de temps immobile à ne mettre le nez dehors que pour chercher des croissants pour le petit-déjeuner familial chez le boulanger du quartier, que ses muscles la tiraillaient déjà. Ce qui la préoccupait davantage, c'était l'absence de Mimosa. Le passé de Dieu était, d'une façon ou d'une autre, associé à cet arbre. Ophélie n'en avait en fait jamais croisé un seul de sa vie, mais depuis qu'elle en avait eu la vision, elle s'était documentée. Les mimosas étaient reconnaissables à leurs grappes de fleurs dorées et ils ne poussaient que sur très peu d'arches. Si le manuel de géographie n'avait pas raconté de bêtises, Babel aurait dû être de celle-là. Ophélie finit par trouver les grilles des jardins botaniques aussi majestueuses que celles d'un palais oriental. En les franchissant, elle eut l'impression de quitter un monde pour un autre. Un pont, large comme un boulevard, reliait les jardins à un marché public. Là-bas, une foule immense ondoyait à la façon d'un fleuve entre les tentes des étals. Des éléphants et des girafes dominaient les seins d'hommes, de femmes et d'automates, à croire que tout ceci était la plus naturelle des cohabitations. La fête des toquantes lui paraissait soudain bien anodine. À peine s'engagea-t-elle sur le pont que les effluves des épices lui firent tourner la tête. Éblouie par le soleil déjà haut dans le ciel, elle promena son regard autour d'elle. Sa main s'agrippa instinctivement à la bandoulière de sa besace, le pont sur lequel elle se tenait enjambait le vide. Ophélie avait lu dans son manuel de géographie que Babel était éclatée en plusieurs arches mineures, mais cela ne l'avait pas préparée au spectacle qui se déployait devant elle. Une multitude d'îles flottantes baignait dans une mer de nuages à la blancheur incroyable. Certaines avaient une taille suffisante pour accueillir une ville, d'autres à peine la place d'y construire une maison. Tout arborait une architecture mêlée de végétation, comme si les plantes et les pierres étaient imbriquées les unes dans les autres. Les arches mineures les plus proches étaient reliées entre elles par un entrelacs de ponts et d'aqueducs. Les plus éloignées étaient desservies par des machines volantes qu'Ophélie aurait été bien en peine d'identifier et qui ressemblaient à des trains ailés. Ophélie se plongea corps et biens dans la foule. Elle fut aussitôt assaillie par la criée des marchands et vit défiler des étoffes, des bijoux, des lentilles, des fèves, des œufs, des piments, des melons, des pastèques, des mangues, des bananes et toutes sortes de produits dont elle ignorait le nom. Son estomac lui fit sentir qu'il lui faudrait bientôt se soucier de trouver un repas. Pourriez-vous m'indiquer cet endroit, s'il vous plaît ? Demanda-t-elle en montrant sa carte postale à tous ceux qu'elle croisait. Sa petite voix étant engloutie par le brouhaha ambiant, elle posa sa question de plus en plus fort, sans jamais obtenir de réponse. Est-ce que les gens ne l'ignoraient pas délibérément ? Ils continuaient de regarder droit devant, sans jamais baisser les yeux vers elle. Décontenancée, Ophélie s'approcha d'une fontaine où des flamants roses trempaient leurs échasses. Elle humecta un mouchoir pour se rafraîchir le visage et avala une gorgée d'eau gazeuse. Là, assise sur la bordure de la fontaine, sa main caressant l'écharpe au fond du sac, elle prit un moment pour observer attentivement le marché. La diversité des peaux, des morphologies et des accents était celle d'une population cosmopolite. Il n'y avait pas ici une, mais plusieurs familles. Pourtant, ils semblaient tous ne former qu'un seul peuple où Ophélie tenait le rôle d'intruse. Elle décida de ne pas s'attarder plus longtemps sur cette place. Une patrouille d'hommes et de femmes était en train de fendre la foule. Ils portaient une cuirasse par-dessus leur tunique et leur casque à pointe prolongé de couvre-nuque leur conférait une allure militaire. Ils posaient autour d'eux des regards qui, sans se vouloir menaçants, étaient des plus troublants. Leurs prunelles brillaient comme de l'or. Cet éclat surnaturel trahissait leur pouvoir familial, une vue perçante à laquelle même une mouche n'aurait pu échapper. Ophélie préférait ne pas avoir affaire à eux. Tout ce qui était proche de l'autorité était susceptible de l'être de Dieu. Elle traversa le marché dans le sens opposé et avisa un tramway à air comprimé qui était sur le point de partir. Il était tapissé d'affiches publicitaires où figurait un soleil avec le mot « luxe » écrit en majuscule. Les citadins entraient en pointant des tickets dans un horodateur. Ophélie vérifia qu'il n'y avait aucun contrôleur, puis se dépêcha de monter à son tour. Elle n'eut pas le temps de reprendre son souffle qu'un passager se leva de son siège pour la repousser doucement sur le trottoir. « N'y voyez rien de personnel, miss, » s'excusa-t-il d'un ton poli. « Vous n'avez pas pointé, vous ne respectez pas les codes, je ne fais que mon devoir de citoyen. »« Écoutez, je dois absolument me rendre là-bas, » expliqua Ophélie en brandissant sa carte postale. « Pourriez-vous au moins me dire comment... » La porte se referma automatiquement, mettant un terme à la conversation. Le dépit d'Ophélie se transforma en affolement quand elle se sentit partir en même temps que le tramway. La bandoulière de sa besace s'était coincée dans la portière. Elle tira de toutes ses forces sur son sac, trébucha en avant, fut traînée le long du trottoir jusqu'à ne plus pouvoir faire autrement que lâcher prise. « Non !» souffla-t-elle en voyant le tramway s'élancer sur les rails en ballottant son sac. L'écharpe était restée à l'intérieur.